coup de fraîcheur. C'est fou, 89.1. Le plan d'aujourd'hui, un assemblage requis. Olivier Lessard sera là pour nous faire découvrir un style musical dans le courant passe. Et on se mettra au courant de ce qui se passe dans nos bouches quand on parle avec sa plus simple expression. Assemblage requis commence tout de suite. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à l'Assemblage requis en ce lundi 16 mars 2015. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Hey, hey, Stéphanie, c'est la semaine du dôme, c'est fou. Oh. Moi, je pense que c'est un igloo. Ah, ça se peut, ça, mais c'est chauffé de l'intérieur. Mais un igloo peut aussi être chauffé de l'intérieur. Ben oui, c'est fait pour ça. C'est ça, en fait, c'est le bizarre, but. Mm-hmm. Donc, toute la semaine, des spectacles de musique, de l'improvisation. Ce soir, on va en reparler, c'est certain, d'ici la fin de l'émission, même aujourd'hui. Sinon, le plan d'émission, Steph, c'est bien garni. Encore une fois, un peu comme un igloo serait garni de gens qui s'attendent de se coller pour se réchauffer. Ah, moi j'avais pensé à du macaroni. Aussi. Macaroni tout garni, man. Ben oui, ben voilà, tout garni, voilà. Donc, à 8h30, habituellement, on aurait David Ferron. Par contre, il n'est pas là aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a? On va faire c'est un fait à la place, mais à 8h, on va voir si ça, c'est un petit peu plus important, des gens, des candidats. Que David Ferron, que c'est un fait? Que c'est un fait, oui, c'est okay, ça. OK, OK. Des candidats aux élections de la GEQTR. Oh! Donc, on va faire ça 4 fois pendant les 2 prochaines semaines et on a un bloc d'une demi-heure aujourd'hui à 8h. À 9h, tu vas nous faire sa plus simple expression. Oui! Comme chaque lundi, on va apprendre pourquoi on dit les choses qu'on dit. Simple. En gros, c'est pas mal ça. Dans quelques instants, on va débuter avec Olivier Lessard et le courant passe. Mais avant ça, on écoute une nouvelle entrée. C'était le poste d'écoute. C'était pas le poste d'écoute, en fait. C'était failli être le poste d'écoute. Ça aurait pu facilement. C'était en position numéro 2, voilà, du poste d'écoute de jeudi passé. C'est The Airborne Toxic Event sur leur album Dope Machines. Voici Wrong. On s'est quitté là-dessus la semaine passée, puis on commence l'émission avec ça aujourd'hui. Ah, c'est beau. C'est beau. C'est Assemblage requis jusqu'à 9h30.

sun revolve around you. There is an answer and a question, and there is hope within despair. C'était Dead Care for Cutie et la pièce Black Sun sur leur nouvel album dans la chronique Le Cours en Passe avec Olivier Lessard. Au retour, un petit bloc sur les élections de l'AGEQTR à Assemblage Requis jusqu'à 9h30. On va être informé. Ben oui. Savoir pour qui voter. C'est essentiel. C'est important. Faut aller voter aussi après, là. Pas juste ben écouter, oui. Là. Ben non. Franchement. Hey. Fou de nuances. Écoutez-nous en direct sur le web sur cfou.ca. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bon, attends, vous êtes toujours à Assemblage requis en ce lundi 16 mars 2015 de Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Et pour les deux prochaines semaines, on va recevoir des candidats pour les élections de la GEQTR, élections qui s'approchent, en fait. Il y a tellement d'étapes à mentionner avec ça. Et pour parler de ces étapes-là, on accueille Lisanne Marseille du comité électoral des élections de la GEQTR. On la connaît aussi en tant que collègue aux Zones Campus, mais quand même, ça, c'est une autre affaire. Salut, Lisanne. Ça va bien? Oui, toi? Ben, très bien, merci. Donc, on va parler du fonctionnement un petit peu de ces élections-là, ensemble, au début et à la fin de chaque... ben, en fait, cette fois-ci, ça va être toi, d'autres fois, ça va être d'autres mondes. Donc, les élections de la GEQ qui commencent bientôt. Il y a un débat qui va avoir lieu la semaine prochaine. Oui, le 23 mars, puis il va y avoir de la pizza gratuite qui va être offerte à tous les étudiants. Vous savez comment titiller le monde, vous entendez? Ben oui, on sait comment les amener. ça... juste pour ça, hein, venez juste pour ça. Puis si vous apprenez quelque chose par le fait même, ben, ce sera un bonus. C'est ça, c'est un 2 pour 1. Exact. Donc le débat a lieu le 23 mars à 16h à la Chasse-Galerie. Ensuite, à partir du 23 mars à 23h45, on va pouvoir voter. Ouais, c'est ça. Fait qu'après avoir digéré la bonne pizza, vous pouvez aller voter. Une demi-heure avant d'aller en piscine, c'est quelques heures avant de voter. Exactement. Après ça, vous pouvez aller voter via le portail étudiant. Et ça va se passer jusqu'au 26 mars à la même heure, 23h45. Le dévoilement des résultats va être le 27 mars. Oui. Donc, on va surveiller ça. Et aujourd'hui, on va commencer avec notre premier candidat. C'est Jonathan Clermont. Qui se présente pour le poste de secrétariat général. Il affronte Jean-René Leblanc, qu'on va recevoir juste après. Donc, bonjour, Jonathan. Bonjour. Merci d'être avec nous. On a 4 questions à poser à tout le monde pour être le plus juste possible. Stéphanie Paradis et moi, on va se basculer ces questions-là. Et la première, officiellement, est la suivante. Pourquoi as-tu décidé de te présenter aux élections de l'AGA UQTR? En fait, il y a 2 raisons. La première, c'est qu'on est une université ici à Trois-Rivières qui est, je crois, à dimension qui est humaine, qui est tangible pour tout le monde. Rares sont les universités au Québec dans lesquelles on peut avoir des interactions avec les professeurs qui sont très humaines, très proximales, à un point où les professeurs, au bout de quelques sessions, savent nos noms. Donc, je trouvais ça assez surprenant. Donc, c'est une université qui me tient à cœur et je pense qu'une des facettes, une des variables qui donne à cette université-là cette approche humaine, c'est son association étudiante, c'est le fait que l'association étudiante, elle est présente, elle rassemble tous les étudiants à travers un contexte qui permet l'épanouissement et qui permet aussi la dimension humaine. La deuxième des raisons, c'est parce que, donc, j'étudie moi en administration des affaires, je finis ma deuxième année, j'ai de l'expérience aussi en gestion, en administration, en gestion de projet, ce qui fait en sorte que je voyais là l'opportunité au bout de 2 ans d'études et au bout aussi d'un mandat que j'ai eu au travail qui prenait fin, de mettre cette expérience-là au concret puis au service aussi de l'AGE pour aussi collaborer à ce que cette dimension humaine-là à l'UQTR puisse rester le plus longtemps possible. Parfait. Mm-hmm. Ensuite, quelles sont tes expériences antérieures du côté de l'implication étudiante ou toute autre implication pertinente? Mm-hmm. Au niveau de l'implication étudiante, j'ai pas d'implication parce que, comme je l'ai mentionné tantôt, j'ai eu un travail qui est assez prenant. En fait, j'étais superviseur exécutif pour une organisation et ce poste-là me demandait donc beaucoup d'investissement, non seulement des heures fixes de travail, mais aussi des heures qui pouvaient déborder. Là, mm-hmm. Je voyais pas nécessairement le temps pour m'impliquer et ça a été vrai aussi au cégep. Là, j'ai été impliqué avec un travail étudiant assez longtemps. La suite de la question, c'était... C'était des implications autres qu'étudiantes. Oui, okay. Des implications autres qu'étudiantes, oui. Je suis en charge d'un groupe jeunesse. Donc, moi, je suis chrétien pratiquant. Donc, je vais à une église évangélique. Et je suis en charge d'un groupe jeunesse de 10 à 17 ans. On fait des activités tout le long de l'année avec ce groupe-là. Par exemple, on part en camping cet été dans une des réserves nationales. Donc, c'est sûr que ça demande un lot d'implications qui est carrément bénévole. J'ai été aussi en charge avec mon église locale de différents projets bénévoles. Par exemple, la révision du rôle du diacre dans l'Église. Donc, j'ai été en charge du point de vue théologique, mais aussi de la mise en application d'un plan d'action là, concret que j'avais rédigé pour modifier ce rôle-là. Mm-hmm. Qu'est-ce qui distingue un excellent officier d'un officier correct? Un excellent officier, selon moi, c'est pas tellement quelqu'un qui va être capable d'avoir plus d'expertise, parce que moi, j'estime que le lot d'officiers qui siègent sur le conseil exécutif ont tous des compétences à mettre en place. Il y a 2 choses, je pense, qui distinguent un excellent officier. Premièrement, son contexte et deuxièmement, son caractère. Mm-hmm. Beaucoup de personnes détiennent les compétences nécessaires pour bien œuvrer dans un domaine de travail, que ce soit sur un conseil exécutif ou dans un travail dans la vie de tous les jours. Par contre, le contexte dans lequel on travaille est énormément important. Est-ce que la personne, donc l'officier ici, va être capable de mettre en place un contexte de vie qui va lui permettre de faire des heures en extra, de mettre en application des projets qui demandent un peu plus de temps, qui demandent une concentration? Est-ce que cette personne-là va mettre son contexte de vie en place pour donner son maximum dans son implication? Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est le caractère. Je pense qu'un excellent officier est quelqu'un, nécessairement, qui va faire des erreurs. Moi, je me présente pas comme quelqu'un qui ne fera jamais d'erreurs, mais je me présente comme quelqu'un qui a un caractère qui est assez humble pour reconnaître ses erreurs, pour changer de direction quand il voit qu'il y a une direction qui est erronée, qui est prise, et qui ne se présente pas comme quelqu'un qui a un orgueil et qui dit « mes idées sont celles qui vont être appliquées ». Je pense qu'un bon officier, finalement, ou un excellent officier, comme la question le formulait, est quelqu'un qui va être capable donc d'avoir cette humilité-là, puis cette présence d'esprit-là pour considérer les autres officiers puis les autres membres du conseil administratif, les autres étudiants comme des êtres humains plus que comme des variables ou des données desquelles on doit tirer le meilleur. Parfait. Et finalement, quels sont les atouts nécessaires pour combler le poste sur lequel vous avez appliqué? Les atouts nécessaires, c'est sûr qu'il va y avoir, comme je le mentionnais tantôt, deux variables qui vont jouer, les compétences et le contexte. Au niveau des compétences, le poste de secrétaire général est un poste qui demande des compétences législatives, internes autant qu'externes, des compétences au niveau de la gestion, des compétences administratives aussi. Au niveau des compétences législatives, on parle de bien connaître l'ensemble des statuts et règlements internes à l'AGE, mais aussi d'être familier avec la loi sur les entreprises du Québec, parce qu'on est en association et on est régi par ça. C'est déjà des choses que j'ai entrepris faire, que j'ai d'ailleurs concrétisé. Je suis à l'étude présentement au niveau des statuts et règlements. La deuxième dimension, c'est une dimension qui est au niveau de la gestion, mais aussi au niveau administratif. Et ça, dans le cadre de mon bac en administration, c'est définitivement des compétences que j'ai appris à développer. Parce que dans le cadre du bac, des cours de gestion, j'en ai eu. L'administration, j'en ai fait aussi sur le marché du travail dans mes emplois précédents. Et au niveau donc du contexte, moi, je vise pour la prochaine année, si je suis élu, tomber à 3 cours par session. Moi, je serai à ma dernière année. Je compte prendre un cours cet été, 3 cours l'automne, 3 cours l'hiver pour finalement mettre en place une année qui va me donner un contexte nécessaire pour faire le nombre d'heures requis, peut-être même un peu plus d'heures en extra pour concrétiser des projets que je crois importants. Ouais. Ouais. On aurait plein d'autres questions à te poser, mais c'est les 4 officiels qu'on n'a pas le choix de poser dans l'ordre. Donc, Jonathan Clermont, qui se présente pour le poste de secrétariat général, on te remercie. Merci de me recevoir. Tu affrontes Jean-René Leblanc à Galerie qu'on va recevoir tantôt. Dans quelques instants, on va prendre une pause avant ça va être plus simple. Mais merci à toi. Bonne journée. On écoute une pièce du palmarès anglophone, une nouvelle entrée de Viet Cong. Ça a débuté la semaine passée. Voici Continental Shelf au 89 FM. Merci. Oh, Viet Cong et Continental Shelf à Assemblage Rocky. On est toujours dans le bloc sur les élections de la GEQTR et le deuxième candidat pour aujourd'hui qu'on reçoit à l'instant, Jean-René Leblanc-Gadoury pour le poste de secrétariat général. Bonjour à toi. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci de me recevoir. T'affrontes Jonathan Clermont qu'on a reçu précédemment. Oui, tout à fait. Donc on va te poser les mêmes questions dans le même ordre pour être juste avec tout le monde. Mais pour vous mêler, on échange là, moi. Oui, c'est ça, c'est Steph qui pose qui commence. Wow. Oui, donc pourquoi tu décides de te présenter aux élections de la GEQTR? Aux élections, mais pour moi, l'implication est très importante. Ça fait longtemps quand même que je m'implique dans le milieu étudiant. J'ai peut-être peur pour mon âge, mais bon, je m'implique depuis 2005 à peu près, j'ai commencé au cégep. J'ai arrêté 2 ans là-dessus pour travailler, bien entendu, j'ai pas été tout le temps aux études, mais ça fait longtemps et je trouve ça toujours important quand je suis là. Et pour moi, c'est là où est-ce que j'ai le plus appris, peu importe dans mes années d'études, même parmi mon baccalauréat, je crois que l'implication étudiante, c'est ce qui m'a donné le plus d'acquis. Durant ma vie, donc je continue à croire que mon implication m'apporte beaucoup. C'est pour ça que je m'implique. Ben, parlant de tes acquis, ça nous amène très bien à la deuxième question. Quelles sont tes expériences antérieures au niveau de l'implication étudiante ou toutes autres implications? Ah ben justement, comme je l'ai dit, je m'implique depuis 2005 dans le mouvement étudiant. Avant, j'étais au cégep d'Édouard-Montpetit à l'époque et j'étais membre du conseil d'administration justement de ce cégep-là jusqu'en 2007. Sinon, par la suite, j'ai continué de m'impliquer un peu plus dans les organismes communautaires jusqu'à ce que j'arrive ici. Et depuis que je suis ici, je m'implique soit dans l'association des étudiants en psychologie, dans l'association des étudiants du Michel Sarrazin ou dans la GEQTR où j'ai été administrateur aussi. Et en ce moment, je suis VP sociopolitique par intérim pour remplacer M. Yannick Lefebvre qui a dû quitter malheureusement pour des raisons de santé. OK. Merci. Donc, qu'est-ce qui distingue un excellent officier d'un officier correct? C'est une bonne question. J'oserais peut-être pas dire que c'est le nombre de temps qui est mis. Inévitablement, si des personnes font un plan d'action qui est trop chargé, ça va prendre beaucoup d'heures. On peut voir ces temps-ci, par exemple, Mathieu qui doit faire du 50 heures semaine. Pour Mathieu Roy. Mathieu Roy, oui, président. Le présent actuel, merci. Mais je crois que simplement de bien se concentrer sur ses tâches, de les faire rapidement, ça peut amener un officier à être très bon. Personnellement, je crois qu'un minimum de 40 heures est requis pour réussir à faire ce travail-là. Donc, c'est sûr que quelqu'un disponible aussi, c'est nécessaire. Et quelqu'un d'assez ordonné aussi, parce que, veux pas, on a beaucoup de rencontres, beaucoup de réunions. Bien organiser son temps, c'est important. Surtout avec nos études qui, veux pas, doivent être notre priorité numéro un quand même en tant qu'étudiant, là, on va se le dire. C'est beaucoup d'organisation. Je crois que c'est ça qui est le plus important. Ouais. Les questions sont faites comme ça. Ça a l'adon total de faire que tu as un petit peu répondu par la bande à la question numéro 4. Mais quand même, quels sont les atouts nécessaires pour combler le poste de secrétaire général sur lequel tu as appliqué? Ben oui, justement, l'organisation, je crois, qui est un must. Surtout que, tant que secrétaire général, souvent, on organise un peu le reste du conseil exécutif, étant donné qu'on doit faire des convocations pour soit les conseils d'administration ou même le conseil exécutif. Donc, on doit s'assurer de l'horaire de tout le monde pour réussir à faire fitter les rencontres, et c'est ça qui va être le plus exigeant, je crois. Donc, encore une fois, l'organisation reste ma réponse principale. Tu vois. Je suis très... j'ai pas le terme, mais je reste dans les mêmes idées. Conséquent. Oui, conséquent. Voilà. Très bien. Ah, le vocabulaire, c'est toujours Stéphanie Paradis. C'est important. Ouais. Non, ce mot-là, j'aime ça le placer ce temps-ci. D'accord. Ça donne bien. Bon. Donc, Jean-René Leblanc, qui se présente pour le poste de secrétaire général, le secrétariat général, et qui affronte Jonathan Clermont. Merci beaucoup à toi. Ben, merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. On revient à Lisanne Marseille qui nous accompagne aujourd'hui. Lisanne, salut. Je t'ai encore oublié. Regarde ça. Bonjour, ça va? Je t'ai encore là. Parlons un petit peu encore une fois du déroulement des élections en ce moment. Le prochain point à retenir, à part tous les matins à l'Assemblage requis pour entendre les candidats parler, c'est le débat. En fait, avant ça, là, il va y avoir une conférence de presse. Arrête-moi, non, ça, c'est quand? Ben oui, le 19, en fait, ça va être jeudi. Et pas dans mes notes. Oui, je sais. Je pense qu'on a oublié, on a mis de mettre ça dans tes notes. Mais il va y avoir une conférence de presse le 19 mars. Donc, toute la population étudiante est invitée aussi à venir assister. Ensuite, le 23, on a le débat, comme que vous avez vu médiatiser un petit peu avec la pizza gratuite pour tout le monde. Une élection, c'est comme une poutine sans sauce brune. c'est ça? Non, un débat, débat sans élection, sans... c'est comme une poutine non, sans sauce. C'est le contraire, une élection sans, sans débat. Oui, c'est voilà. ça, en tout cas. Puis après ça, vous pouvez voter à partir de 23h45 jusqu'au 26, 23h45 aussi. Génial, on va reparler tous les jours ou presque à Assemblage Requis. On a des gens qui vont venir, des candidats, demain, mardi, mercredi, le 18, et ensuite on va à lundi prochain, le 23, le jour même où le vote va commencer, pour pouvoir en parler une dernière fois. Donc, ce sera avec quelqu'un de différent tous les jours pour gérer tout ça. Aujourd'hui, c'était Elisa de Marseille, du comité électoral. Merci beaucoup. Merci à toi. Et demain, on recevra Jérémy Gosselin. Mais pour l'instant, Stéphanie, on retourne à notre contenu habituel, mm-hmm. notre beau programme, et on s'en va entendre une pièce de André Papanicolaou. Voici Disposable. Ça, c'est fou, dans vos oreilles. André Papa Nicolaou et la pièce Disposable à Assemblage Requis. Au retour, un petit bloc de C'est un fait pour remplacer David Ferron. Parce que... On dit pas que ça s'équivaut. Ben non. C'est au retour à Assemblage Requis jusqu'à 9h30. Ça. En marge. C'est fou 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage Requis. Vous êtes à Assemblage Requis en ce lundi 16 mars 2015 avec Stéphanie Paraty. Lui, c'est Mathieu Plante. On a été sérieux pendant la dernière demi-heure. On a parlé d'élection de la GEQTR. On a fait notre devoir de station radiophonique étudiante, etc. Voilà. Mais une autre de nos missions, qui est quand même divertissante dans sa propre façon, c'est d'apprendre des choses dans C'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. Cha cha cha. C'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables selon Internet. Toutes les sources sur assemblagerequis.com, bien évidemment. Donc, on commence au Royaume-Uni. À la résidence du premier ministre du Royaume-Uni, et donc monsieur Chose, ben, ça dépend du moment, mais Prime Minister... Ça dépend du moment, ouais, comme partout. Ouais, c'est ça. En ce moment, c'est Chose, là, comment il s'appelle? Je sais pas son nom. On va le trouver. En ce moment. C'est David Cameron encore? Oui, c'est David Cameron. J'étais plus sûr que c'est encore lui. Je sais son nom. Pas réalisateur de films. Non, franchement. C'est le frère à James. Non, ou peut-être Cameron Diaz, c'est ça. Cameron, c'est ça. Non, ouais. Donc, 10 Downing Street, la résidence du premier ministre du Royaume-Uni. Un chat avec le titre « The Chief Mouser to the Cabinet Office ». Malade. Ses responsabilités au jour le jour, c'est contempler une solution au problème de souris dans la Maison-Blanche. Ben, pas la Maison-Blanche, mais la maison du premier ministre. Peut-être Blanche aussi, par exemple. Peut-être, mais on sait pas. Son nom. Donc, il a été recruté du Battersea Dogs and Cats Home à la recommandation de cette place-là pour ses capacités, son habileté à trouver des souris. Il a capturé le cœur du public de la Grande-Bretagne et de la presse. Et on lui envoie des petits bonbons et des cadeaux à tous les jours. Oh, il doit être obèse. Non, même pas tant que ça. Donc Larry, le Chief Mouser, passe sa journée à accueillir les invités de la maison et puis inspecter pour les souris. Voilà. Ensuite... une étude nous apprend que les enfants... que les enfants élevés par des Allemands... je la comprends pas. Ils sont allemands. Parlent allemand. Non, c'est ça. Ah, c'est ça. Que les enfants, oui, OK. Les enfants de parents allemands, qu'ils soient noirs ou blancs, avaient presque le même quotient intellectuel. Donc, plusieurs interprètent ça pour vouloir dire que la différence de quotient intellectuel trouvée dans d'autres études par rapport aux noirs et aux blancs serait plus une question d'environnement et d'endroit où les gens sont éduqués et non pas leur couleur en tant que telle, parce qu'ils sont de parents allemands, ils ont été élevés au même endroit, noirs ou blancs, ils ont le là, même. Là, j'imagine que tu parles d'allemand parce que ce sont ceux-là qui. C'est ceux-là qui étaient dans l'étude. Qui ont fait l'étude, exactement. Ah ouais. Exactement. Mais quand même, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est une question d'environnement peut-être plus que. Ben oui, voyons donc. Je pense que c'est assez logique. Ben, ensuite, la plus courte critique de film au monde, de toute l'histoire, était pour le film de 1948, Isn't It Romantic? Et la critique disait, non. Non. Pour vrai? C'est pas romantique, ça. Non, c'est avec Noel Freeman, un certain DeWolf et un autre Nat Hearn. Isn't It Romantic? Leonard Matlin, oui, qui a reçu le record Guinness pour la plus courte critique de film, qui était juste le mot non. Voilà. Merveilleux. Un homme nommé George Megan a marché pendant 6 ans et demi, presque de suite, là, si on n'a pas bout à bout, là, sans arrêt, mais quand même, du bout de l'Amérique du Sud jusqu'à la côte nord de l'Alaska, un voyage de 19 000 milles, donc 19 000 milles en kilomètres, tu penses que ça fait combien, toi? Je sais-tu, moi? Ben oui, mais attends, moi t'as le dire. 12 000 kilomètres. Non, je sais pas, je me souviens même pas de ton chiffre. C'est 19 000 milles. Ça fait 30 577 kilomètres. Ah! Donc, une des plus longues promenades continues de l'histoire humaine. Donc, ça nous dit... ouais, c'est ça. De suite, là, mais... quand même, peut-être pas de suite, suite. En 2425 jours, entre 1977 et 1983, il a écrit un livre, The Longest Walk, en 1988. C'est un aventurier britannique et un éducateur qui est connu donc pour sa marche. Il a fait 41 millions de pas. Il a complètement brisé 12 paires et demie de bottes italiennes. 12 paires et demie. Donc la dernière était quand même en moyen état correct. Non, il y avait juste un pied de pété. Peut-être, ouais, c'est ça. Il a marié son amie, sa copine japonaise. Il a eu 2 enfants avec elle. Il a traversé le Darien Gap, qui est presque... Il a eu des enfants pendant qu'il marchait? Dans la vie, je pense, je sais pas. Ben, ça dit non, pendant le voyage. Pendant le voyage, oui. Donc, il a passé le Darien Gap, où il a été tiré, et il a réussi à survivre à une attaque au couteau. Donc, c'est une place qui est historiquement impassable, le Darien Gap. Il a visité le président Jimmy Carter à sa maison, et il a ramassé 8 records du monde. Tout ça pendant son voyage. George Meagan, M-E-G-A-N, ouais. Le premier invité à être entré à Disneyland était un étudiant collégien, Dave McPherson. Il s'est pas promené dans aucun manège, il a pas fait de tour de manège parce qu'il devait retourner à l'école. Il a reçu un billet à vie pour Disneyland avec 3 invités. Le billet maintenant a été extensionné pour inclure tous les parcs Disney dans le monde parce que c'est la première personne, le premier invité de Disneyland en général. Dave avait acheté le premier billet à être vendu au public général. Donc il est devenu la première personne à entrer à Disneyland. Et pour honorer ça, il a plus tard reçu sa passe pour la vie. Et puis il continue à recevoir ça à chaque année, cette passe là. Mais ça, c'est la VIP Main Entrance Pass. Et tu l'as dit, c'était à vie. À VIP. À VIP, c'est drôle. Ouais. Et puis à l'arrière, il y a son nom, et ça dit Admit Pass Holder and 3 Guests. Donc permettez à cette personne d'entrer avec 3 invités. Je veux être son ami. Ouais, depuis 1955 qu'il a fait ça. Toujours le plus grand fan de Disney. Il y a un phénomène optique qui s'appelle Green Flash, où des fois le soleil va avoir l'air d'avoir un petit spot vert juste au-dessus, immédiatement après le lever, après le coucher de soleil, ou directement avant le lever du soleil. Donc Green Flash, qui arrive plus fréquemment au coucher de soleil. C'est un phénomène où une partie du soleil peut être observée en train de changer brièvement de couleur. Ça va durer une seconde ou deux, c'est pour ça qu'on appelle ça un flash. Alors que le soleil passe du rouge au orange au coucher de soleil, par exemple. C'est visible parce que la réfraction fait... ça dit « bends the light of the sun », on fait comme plier la lumière du soleil, si on veut. Donc l'atmosphère est comme un prisme faible qui va séparer la lumière en différentes couleurs. OK. Et lorsque le disque du soleil est complètement visible au-dessus de l'horizon, les différentes couleurs de lumière vont piler l'un par-dessus l'autre, si on veut. Et ça va faire ce green spot. Ah. Nigella Ilgarth, directrice du Birch Aquarium at the Scripps Institution of Oceanography à San Diego, a pu capturer, parce qu'elle était chanceuse ce soir-là, une photo de ça. Vous pouvez aller voir sur assemblagerequis.com. Voilà. Oui, c'est faut que tu sois attentif, hein? Oui, c'est... C'est un flash, pas longtemps, hein? C'est un flash. C'est pas un personnage de DC, comique. Un super-héros, ça. Hero, flash, puis... Green Flash. Il apparaît juste pendant 2 secondes. Faut que tu sois bien chanceux pour être... sauvé. Sauvé par lui. Au championnat de magie de 1988, un magicien nommé Leonard Green... Parlant de Green Spot, hein, t'as a été disqualifié après sa performance parce que sa performance était tellement impressionnante que les autres juges magiciens pensaient qu'il trichait. Donc les gens étaient mis au courant de sa performance de magie et puis c'est pour ça qu'il a pu tricher. Donc il a performé le même numéro 3 ans plus tard en permettant aux juges de brasser des cartes. C'est un truc de brassage de cartes. Il pensait que les gens du public avaient été placés là par le magicien, tu comprends, pour faire semblant de brasser les cartes. Donc les juges ont brassé des cartes et ils lui ont donné la première place ensuite parce que c'était trop impressionnant. Vous pouvez voir un petit gif de sa performance où il place... il place des cartes. Dans le fond, il y a des cartes dans sa main, OK? Puis il met les cartes sur la table, mais il les met pas vraiment, on les voit pas apparaître sur la table, mais ils disparaissent de sa main. Donc il finit qu'il n'y a plus de cartes dans les mains. Comprends-tu? Genre, il y a des cartes dans sa main, puis ils disparaissent, puis tu le vois en train de mettre les cartes sur la table. Ça. Ah, moi, ça me perturbe, ça. C'est quelque chose. Donc allez voir ça, encore une fois, sur assemblagerequis.com. Son nom est Leonard Green, donc L-E-N-N-A-R-T. Leonard. J'avais jamais entendu ça de ma vie. Les chercheurs nous apprennent dans un article quand même de WIBW.com. Les chercheurs nous apprennent que les petites pancartes de traversée d'animaux, mettons de traverse d'orignaux, mettons, c'est ça, que ça va pas empêcher les accidents, apparemment. les gens font pas plus attention. On est tellement habitués qu'il y en a partout que... Mais non, au contraire, on regarde plus le côté du chemin, voir s'il n'y aurait pas une arrière. Avec plus d'accès. On regarde pas où on va. Les mariés, les femmes mariées, vont se mettre du côté gauche du mari au mariage. En fait, à cause d'une tradition antique, pour que sa main, qui a contact avec l'épée, puisse défendre. Genre, si d'autres gens arrivaient, puis les... Fait que tu pouvais pas être gaucher. Tu pouvais pas être gaucher. C'est étrange, pareil. C'est ce qu'on nous dit. Tu connais le personnage de Lurch dans La Famille Adams? C'est le grand genre de... espèce de... grand Jack, le costaud, là. Ouais. Dans La Famille Adams, bref, Lurch. Style Frankenstein. Je cherchais le nom de Frankenstein, c'est exactement ça que je cherchais, en fait. Exactement ça. Donc, à l'origine, il était supposé être muet. OK. Mais à un moment donné, il a dit la réplique « You rang », quelqu'un a sonné, genre... Et c'était improvisé. Et les producteurs trouvaient ça tellement impressionnant qu'ils ont écrit plus de répliques pour le personnage. Ils trouvaient que ça fitait bien avec lui. Donc c'est devenu un personnage parlant. Mais légèrement. Légèrement, ça dit pas grand chose. Pas ambitionné, hein. Lurch. Ensuite, Momofuku Ando. Hein? Momofuku? Motherfucker? Ando. le créateur des nouilles instantanées. Ah. Hein? Des nouilles dans un petit pot de plat de styromousse. Déjà, j'ai envie de te dire marie-moi. Marie-moi, Momofuku. Momofuku. Donc, une journée pour lui rendre hommage. La journée qui était pour aider ceux dans le besoin en donnant des banques de nourriture pour les personnes qui n'ont pas à manger, des cuisines, des popotes volantes et partager des ramen. Des quoi? Popotes volantes. Popotes roulantes. Popotes roulantes. Excuse-moi, ils roulent. Hey, on est rendu en 2015, ils peuvent bien commencer à voler. Non, ils roulent encore. Roulantes, franchement. Ambulantes, tant qu'à ça. Hey. Donc, Momofuku Ando D. La journée a été établie en 2007, en janvier 2007, dans un petit hôpital de Dallas au Texas, qui reconnaissait le génie de l'homme qui a nourri des milliards de gens pour vraiment pas cher. 33 cents de sachet. 33 cents. Miam, on a célébré ça le 19 janvier 2007 pour la première fois. Évidemment, les ramen, c'est une nourriture assez connue pour les gens, entre autres, qui ont été victimes d'un désastre. Ceux qui sont pauvres, les étudiants universitaires, collégiens, et ceux qui veulent un repas rapide. Donc, c'est Monsieur Momofuku Ando. Et Google a même placé un petit doodle sur sa page d'accueil pour commémorer sa fête, à un moment donné. On voyait Monsieur Momofuku manger des ramen avec des baguettes, en plus. S'il y a quelque chose qui se mange mal avec des baguettes, on va se le dire, c'est bien des ramen, je trouve. Non. Non, ben c'est parce que... Ouais, c'est ça. Tu peux pas les rouler autour des... Il faut que tu manges puis que tu slurpes un petit mais peu. Mais c'est comme ça qu'il faut les manger. T'es supposé manger ça comme ça. Mais c'est juste que tu salis le menton puis la bouche si tu manges mon pas comme Dieu, ça. Mon Dieu, amène-toi une napkin. Ben mon Dieu. Ben mon Dieu. On dort, c'est pas grave. Moi, ce que je préfère, c'est la grosse cuillère. Là. C'est très profond là, pour manger le bouillon après. Bien. La grosse cuillère. La grosse cuillère. Faut que tu prennes ton bol puis que tu boives le bouillon. J'avoue, t'as raison. Ça, ils font ça. On suit pas les traditions correctement. Après ça, c'est quoi? Tu vas mettre du ketchup sur tes sushis? Oui, ah! Oui, de la relish, tant qu'à ça. Ben, all dress, moi, t'as le prendre all dress. Relish, moutarde, oignon, mayo. Tiens, Vexations. Est-ce que tu connais le morceau Vexations, Steph? Non, c'est assez vague comme question. Au piano. Vexations. C'est un morceau qui prend beaucoup, beaucoup de temps à jouer. C'est par Eric Satie. C'est un morceau qui est joué 840 fois de suite. Ça prend environ 18 heures à jouer. Et il y a un homme qui a essayé d'en faire un solo. Donc, tout seul, il a joué cette pièce-là. Et il a démissionné après 15 heures parce qu'il commençait à halluciner. Oh! On va écouter un extrait de Eric Satie et Vexation pendant qu'on parle en même temps. 3, 2, 1... 0, voilà. Donc, la pièce a l'inscription suivante. Pour jouer le thème 840 fois de suite, il faudrait se préparer à l'avance et dans le plus grand silence, ne pas bouger du tout. Attends, il l'a en français. Pour se jouer 840 fois de suite, ce motif, il sera bon de se préparer au préalable et dans le plus grand silence par des immobilités sérieuses. Pas pire, il y avait une traduction française dans le texte. C'est quand même impressionnant. Ça devrait partir là. Non? Eric Satie. Il y a aussi des gens de party pyjama, des sleepovers, où plusieurs personnes vont essayer de jouer ça 840 fois de suite en se faisant un... À tour de ronde, en alternance, ouais. Voilà. Il peut pas avoir halluciné au bout de 15 heures. Tu t'entends-tu comment c'est plate? C'est plate en maudit, ça. Eh ben... Et dans le plus grand silence, par des immobilités sérieuses. Je sais pas ce que ça veut dire, des immobilités sérieuses. Ben, faut pas que tu ris. Pas que tu ris, ben non. Ou que tu sushis. Pas non plus. Non, non. Jamais. Et si tu souches si ça à la batterie, est-ce que tu prends des baguettes chinoises? Est-ce que tu souches ça, ça à la batterie? Souches ça à la batterie? les sushis sèches de l'armée, sushis sèches seront-elles à sushis sèches? Hey, c'est vraiment, vraiment plate. Le Canada a presque été nommé le Royaume du Canada. Presque, mais ça a été rejeté par le gouvernement britannique qui avait peur que ça affiche les Américains. Pourquoi les Américains? Je sais pas. Ça dit John A. Macdonald voulait appeler à la nouvelle nation the Kingdom of Canada. Mais le gouvernement britannique s'est objecté, ou a fait objection plutôt, parce qu'ils avaient peur que le terme allait offusquer les Américains pour que ça aurait eu l'air de pays plus autonome. Leonard Titley, je crois, était responsable de changer ça, je crois. Parce qu'avec le mot royaume, t'es supposé être plus autonome. Peut-être, ouais. Le royaume. Je trouve pas, Canada. Moi. Non, t'as juste l'air d'un sous-fifre de la reine. C'est ça. Non, en tout cas. Ça te dérange pas si je l'arrête? Ah non, ça va aller? J'ai déjà le goût de comme mourir. C'est ça, je réalise que je suis comme en train de dire n'importe quoi pendant ce temps-là. Maintenant, on dirait que je suis pas capable de me concentrer, c'est trop dérangeant. C'est perturbant et pourtant, c'est tellement slow que ça devrait être le contraire. C'est ça. En 2002, un homme de Tacoma, Washington, nommé Jason Padgett. Padgett. A été rendu inconscient après un vol, et il s'est réveillé et était dorénavant un génie des mathématiques. Hein? Deux hommes ont sauvagement attaqué Jason Padgett à l'extérieur d'un bar de karaoké. Moi aussi, j'ai envie de frapper tout le monde proche des bars de karaoké. Hein, quand même. C'est vrai que ça serait agressif. Ça... Provocante! Donc, il y a eu une commotion sévère et un stress post-traumatique. Donc, l'incident l'a changé en génie des mathématiques qui voit le monde à travers le prisme de la géométrie. Avant ce qui lui est arrivé, Padgett était un fier à bras, un jock, un sportif et un gars qui faisait le party. Dans les karaokés. Il n'avait pas passé outre le niveau pré-algèbre dans ses études mathématiques. Il trichait surtout. Il n'a jamais ouvert un livre pour étudier. Et après l'attaque, Padgett a souffert de PTSD, comme on dit, le Post-Traumatic Stress Disorder, et une anxiété sociale, une anxiété sociale qui te rend un petit peu, pas super avec les gens, mettons. Mm-hmm. Mais en même temps, il a remarqué que tout ce qu'il regardait était différent pour lui. Sa vision était comme plein de lignes qui connectaient tout ensemble. Donc, c'est comme son cerveau qui lui parlait, finalement. Bref, il est devenu un génie des mathématiques. C'est quand même quelque chose, ça. Il a publié un livre avec Maureen Seaberg nommé Struck by Genius chez Houghton Mifflin Harcourt en 2014. Donc c'est une des personnes qui a une des personnes assez rares qui a le syndrome du savant, Savant Syndrome, qui est une quand on développe une habileté prodigieuse après avoir eu une blessure ou une maladie. Voilà, il y en a quelques-unes des personnes comme ça, mais pas beaucoup. Avoue que c'est fascinant comme phénomène. Vraiment, vraiment beaucoup. C'est comme le joueur de football à un moment donné qui s'était fait, qui avait une commotion cérébrale aussi, puis qui s'est réveillé, puis soudainement il était rendu coiffeur gay, genre, quelque chose comme ça, je me rappelle plus. J'avais parlé de ça. Ok, ouais, ça, c'est un changement de personnalité, c'est ça. Là, carrément. Mais on sentait que c'est quand même le cerveau qui réagit à quelque bizarre. Chose. Oh, c'est spécial. Ensuite, la raison pour laquelle les salles de bain dans les avions ont quand même des cendriers de nos jours. Moi, je sais pas parce que j'ai jamais voyagé, mais on nous dit qu'il y a toujours des cendriers, en tout cas peut-être juste aux États-Unis. Mais c'est à cause d'une décision de la FAA. Il y a des gens qui vont quand même fumer dans l'avion, même si c'est pas permis. Et lorsqu'on a besoin d'une place pour sécuritairement se débarrasser des cigarettes, on va pouvoir quand même le faire dans ce cendrier-là, pour ceux qui suivent pas les règles, mettons. C'est bizarre. Aux États-Unis, encore une fois. Ben, coup d'œil. Lego. Lorsque l'employé travaillait là depuis plus de 25 ans, on leur donnait à ces employés-là une brique Lego en or. En or solide massif. Mais c'est la moindre des choses. Ben oui. C'est extrêmement rare donner à des employés de Lego qui avaient 25 ans ou plus d'emploi à l'usine de Hohenwestedt en Allemagne. Aussi à des partenaires d'affaires de Lego, des partenaires particuliers, vraiment spéciaux. Ça a été donné entre 1979 et 1981, juste une période de 2 ans même pas. Oh. J'en veux une, c'est cool. Je sais pas si ça imbrique bien les unes dans les autres. J'imagine qu'il n'y a pas de raison de ne pas. Je sais pas. En tout cas. Plusieurs bébés finnois. Finnois, c'est ça? Non, finlandais. Finlandais. Finnois, c'est la langue. Ouais, c'est ça. C'est ça. À chaque fois, je mélange les deux, mais bon. Ouais, non, je comprends. Il y a une petite fraction de seconde de réflexion. C'est ça, t'es là pour me sauver. C'est comme les chiffres romains. Faut y penser. Ouais. Donc, plusieurs bébés finlandais vont dormir dans des boîtes de carton. Et là, tu vas me dire, mais attends un peu. Mais qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Le gouvernement offre aux futures mères un kit de maternité, un kit de démarrage de maternité ou encore un montant d'argent. T'as le choix entre les deux. 95% offre accepte l'ensemble, le kit. c'est ce qu'ils choisissent. Ça inclut une boîte de carton qui est aussi une bassinette. Ça a aidé la Finlande à réussir à avoir un des plus faibles taux de mortalité infantile. Dedans, dans la boîte, t'as des couches, t'as des lingettes, t'as des petits bas. Il y a une photo sur assemblagerequis.com, mais pas mal tout ce qu'il te faut pour démarrer un nouveau bébé. Pour peser sur on. Tout ce qu'il faut, c'est relatif. Non, mais tout ce qu'il faut pour pas qu'il meure, mettons. Pour que c'est. Ok. Pour vrai, je pense que c'est pas mal tout ce qu'il faut pour pas qu'il meure. Si t'as ça, il risque pas de mourir de ça, en tout cas. De ce qui est dedans. Du froid, de mourir du syndrome d'enjeu d'orteil. C'est ça, d'enjeu d'orteil, bébé qui dort, qui se met sur le dos, sur le ventre, je sais pas, c'est pas l'affaire qui fait une mort subite du nourrisson. Mm-hmm. Des affaires qui font peur puis qu'on veut pas savoir, mais quand même. On veut le savoir parce que. Faut pas que ça arrive, ça. Donc, bref, ça fait plus de 75 ans que les futures mères reçoivent cette boîte-là qui est fournie par l'État. Kit de démarrage avec vêtements, couvertures, jouets et qu'on peut utiliser comme lit. C'est une tradition qui date des années 30. C'était pour tous les enfants en Finlande, peu importe d'où ils venaient, pour que tout le monde parte sur un pied d'égalité. Donc, il y a aussi un petit habit, un sac de couchage, des équipements extérieurs, des équipements pour le bain du bébé, des trucs comme ça, un petit matelas. Tout est là. J'arrête pas de dire des affaires, puis c'est des affaires nouvelles. Il y a que des nouvelles affaires. C'est le fun. Sauf que ça te permet pas nécessairement de faire certains choix. Tu sais, si tu veux des produits hypoallergènes, peut-être, ouais. De savon, ou si tu veux des couches lavables, ou des trucs comme ça. C'est ça, mais tu sais, c'est comme l'album de U2 sur iTunes, tu sais. Pas obligé de l'écouter, t'sais. T'es pas obligé de t'en servir là-bas, tu sais. On t'adonne, mais si tu veux acheter d'autres choses, tu peux pareil, t'sais. Tu peux prendre l'argent aussi. Tu peux prendre ouais, ben c'est ça. Mais 95% ça serait le gens... fun si t'avais l'option de... Ouais, c'est ça, c'est ça. Tu sais, admettons. Mais c'est chialé pour du gratuit, mais bon, ouais. Non, mais c'est parce qu'admettons que toi, tu veux allaiter au sein, toi, Mathieu Plante, ou au biberon. C'est connu, ouais. Tu peux peut-être avoir le choix du kit pour t'aider à allaiter au sein ou à allaiter au biberon. Tu sais, je me demande si ces options-là, là, parce que. Je pense. C'est pas parce que t'as un bébé que tu veux nécessairement. Ouais. Y aller de la même façon. Ça reste mieux que rien. Ben, je sais pas. Moi, si tu me donnes la préparation au nourrisson, je vais sacrer au vidange de toute façon. Mais tu vas peut-être prendre tout le reste sauf ça. T'es pas obligé de prendre chacun les articles dedans non plus, tu sais. Il y a comme une centaine, on dirait, d'articles en regardant la boîte. Non, je comprends, mais tant qu'à te le faire donner, tu ne peux pas le gaspiller. C'est sûr, c'est sûr. Ensuite, dans Terminator 2, on change mais complètement de sujet. Dans Terminator 2, ouais, lorsque le T-1000, le T trait d'union 1000, prend la forme de Sarah Connor à la fin, OK? À la fin, c'est hey, spoiler alert! Ouais, je sais. Mais il n'y a pas eu d'effets spéciaux utilisés pour ça. Ouais, spoiler alert des années 80. Ben, j'ai quand même pas vu. Donc, le T-1000 imite Sarah Connor, mais en fait, est joué par la sœur jumelle de Linda Hamilton, Leslie Hamilton. C'est pas un effet spécial. Oh! C'est pas pire, ça! Donc, son fils va penser que c'est sa vraie mère, mais pourtant, c'est la sœur jumelle de l'actrice principale. C'est cool. C'était son premier, son seul rôle au cinéma, en fait. Ah? Leslie, elle n'est plus actrice. Un tueur en série maintenant. Tu parles de changement de sujet à chaque affaire, toi. Ben, Terminator. Ouais, j'avoue que Terminator, c'est pas un fin finot, là. Donc, un tueur en série. Finot. Un fin finot. Ou un fin finois. C'est un fin finois, j'aime ça quand même. C'est pas pire. Donc, un tueur en série nommé The Axeman of New Orleans, pardon. A dit qu'il allait tuer de nouveau le soir du 19 mars 1919, mais qu'il allait épargner les occupants. De n'importe quel endroit où de la musique jazz, un band de musique jazz jouait. Donc ce soir-là, du 19 mars, tous les bars et les dance halls se sont remplis à pleine capacité. Des bands amateurs ont commencé à jouer du jazz à des centaines d'endroits. Il n'y a pas eu de meurtre ce soir-là. On peut retrouver la lettre complète sur assemblagerequis.com. C'est le soir du 19 mars 1919. C'est dans 3 jours. Même bizarre. En 3 jours. C'est pas tout le monde qui a été intimidé par le Axeman. Plusieurs citoyens bien armés ont soumis des annonces dans les journaux défiant le Axeman de venir dans leur maison. Un promettait d'ouvrir la fenêtre, de laisser la fenêtre ouverte pour le Axeman. Il demanda poliment de ne pas endommager la porte d'en avant avec sa hache. C'est une hache, c'est le Axeman quand même. Mais oui. C'était pas le bonhomme qui vendait des produits Axe, là. Non. Il n'y a pas de hache, lui. Il n'y a pas de hache, le gars du Axe, le gars du tube bras. Ouais. Je sais pas. Non. C'est une bonne question. Mais non, mais c'est parce que faire ça comme mais c'est ça aussi, tu sais, tu te mets du H puis tu fais pas H, tu sais. Tu mets d'autres choses, tu fais ah! J'avoue. Non, mais une mascotte, là, ça serait le Cereal Axeman of New Orleans, mais ce serait un distributeur de produits Axe. Ce serait un peu déplacé, je pense. Le 19 mars, je vous parfumerai pas si vous écoutez du jazz. Une seule bande fontaine à San Francisco a survécu au gros tremblement de terre de 1906 et a aidé les pompiers en sauvant le Mission District, une place à San Francisco. En souvenir de cet événement-là, la bande fontaine a été peinturée en... pas en or, mais de couleur or. Ben, super cute, là. C'est vraiment cute, là. À chaque année, à l'anniversaire de ce grand tremblement de terre de 1906, la célèbre bombe fontaine de la 20e coin Church Street qui a sauvé Mission District, on lui rend hommage. Il amène des fleurs. En amenant des fleurs. Gâteau chocolat. Et on change la couche de peinture. On remet une autre couche de peinture dorée. Oh, tabarouette, il la repimpe. Oui, elle a été peinturée argent par accident. Hein? Lors d'un mélange dans un magasin de peinture, Lowe's. Ah, ça, c'est drôle. Un magasin de rénovation plus Lowe's Hardware Store. Pour vrai. Lowe's Store, ça. Sérieusement, ils ont losé la tête. Ils ont perdu la tête. Selon la San Francisco History Association, le président du groupe et le fondateur Ron Ross pensait qu'ils avaient acheté 3 canettes de peinture dorée pour rafraîchir cette bonne fontaine. Mais au lever du soleil, Ross et les autres ont remarqué l'erreur à cause de la lumière du matin. Un des membres de l'History Association a dit 3 canettes de peinture en spray avec des bouchons en or, mais 0 peinture en or. Ça donne donc un échec total à San Francisco. Ils l'ont laissé combien de temps, argent, je me le demande? Ça dit que ça a été rapidement repeinturé doré. Ouais, imagine, c'est quelqu'un qui a réussi à prendre une photo de tout ça, c'est ouais. Cher. Et c'est que le bouchon est doré sur la bouteille, donc la faute n'était pas vraiment aux gens qui ont acheté ça. C'est au magasin Lowe's, non? Mais je sais pas, est-ce que le bouchon devait être doré sur la bouteille de... Je sais pas, hein? C'est peut-être à la compagnie qui a mal embouteillé son produit. Trouvez le coupable, puis renvoyez-le. Tu parles d'un outrage au tribunal. Hey. Au tribornal. Ouais. Double de Borne. C'est ça, c'est Geneviève Borne, c'est qui a fait ça. Non, ça, c'est pas drôle. Okay, un réacteur nucléaire en Allemagne a été converti en parc d'amusement. Il y a même un manège dans la tour de refroidissement, la Cooling Tower. Donc, il faut aller voir les photos. C'est le Fast Breeder Nuclear Reactor SNR trait d'union 300 qui était construit. Je sais pas s'il y a la radioactivité là-dedans. Je sais pas. Donc, dans la ville de Kalkar, North Rhine-Westphalia, en Allemagne, c'était mis aux enchères par une annonce dans les journaux. Un investisseur et développeur hollandais, Henny van der Most, a acheté la propriété et le site et s'est maintenant transformé donc, en parc d'amusement nommé Wonderland Kalkar. Ça contient un hôtel avec 400 lits. Dans le réacteur nucléaire. C'est vraiment cool. Allez voir les photos, c'est impressionnant, je trouve. J'aurais à chier. Un peu. Il y a des montagnes de peintes sur le côté, sur tout le contour du réacteur nucléaire. C'est super beau. Mm-hmm. Pour avoir l'air plus beau de loin, j'imagine. Le petit truc qu'on retrouve à la fin des câbles, des fils. Tu sais, il y a tout un petit genre de bosse sur les fils USB. Hein? Ben, pas tout le temps, mais souvent. Une petite bosse. Un genre de bulbe. De bulbe? Un genre de comment dire? Un genre de balle. Au bout des fils USB. Bref, ce petit truc-là s'appelle une ferrite bead. Une bead ferrite. C'est utilisé pour bloquer les interférences des signaux radio de d'autres produits électroniques. Moi, je savais pas. Je pensais que ça avait rapport avec l'appareil en tant que tel, mais c'est vraiment. Ça peut être. Tu peux prendre un fil qui a ça, puis ça changera rien dans ta vie. Ouais. Voilà. C'est tout pour cet fait. C'est tout. Oh. Ben oui. Finalement. Déjà. Ben oui. Fait que merci d'avoir écouté. Puis les liens sur assemblagerequis.com. Puis on se quitte avec Vexations, Derek Satie. Ah. Oh non! Et on fait, c'est un fait, les lundis. À Assemblage Requis. Ça va pas bien. Ah, restez là. On revient avec sa plus simple expression après la pause. Oui, je fais le même gag à chaque fois qu'on a une chanson plate avant la pause, je la remets en revenant. Je fais la même blague à chaque fois, puis je me trouve quand même drôle. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage Requis. Vous êtes à Assemblage Requis, l'émission matinale en pièces détachées. On est lundi 16 mars 2015 et Stéphanie Paradis. Louis, c'est Mathieu Plante. Dans quelques instants, ce sera sa plus simple expression. On va apprendre pourquoi on dit les choses que l'on dit. Mais avant ça, pour éviter le tueur en série Axeman, genre, tantôt, on entrait tout le temps dans un club de jazz. Donc allons dans un club italien avec le couleur. Sur C'est fou. 89.1 FM. italien, le couleur à Assemblage Requis. C'est bon. Oui, hein. Club italien. Un petit peu de peperoni. Peperoni. Tout à ça, je prends au Subway. Peperoni. et peperoni, salsifi de macaroni tout garni. Tu sais l'expression qu'elle disait macaroni dans macaroni tout garni? Je sais pas, j'écoutais pas ça, j'étais trop. C'était vieille. Drôle. Ça jouait avec Ramdam, tu sais. T'écoutais ça, toi? Ramdam, ouais. Même le macaroni. Non, vois? Mais ça jouait avec Ramdam. Fait que j'ai pas eu tant de générique de fin que la chanson thème comme de 3 minutes et demie, genre, à chaque jour. C'était vraiment long. Est-ce que t'écoutais Ramdam, quoi? Ben oui, religieusement. Ouais, comme on dit, c'est malaisant. Voici sa plus simple expression. Hey! Hey! Comme tu l'as dit tantôt, sa plus simple expression. Merci de le rappeler que je l'ai dit, hein. C'est comme la voix hors champ qui a dit le titre de la chronique. Voilà, voilà. On pourrait chanter chaque titre de chronique, mais c'est pas toujours approprié. Non. Mais non. Là, je trouve que la musique est assez bonne pour ça, on n'a pas besoin. On vous tente, ouais. Donc, oui, sa plus simple expression. J'essaie de vous expliquer pourquoi on dit ça, ces affaires-là. Puis moi, j'essaie de faire. De tout gâcher. D'améliorer mes talents d'improvisateur en trouvant des affaires, des définitions pour chacune de ces expressions-là. Ça te tente de commencer tout de suite? Ben, s'il te plaît. Donc, aide-moi, Mathieu, dis-moi ce que ça veut dire, risquer sa peau. Risquer sa peau. Mm-hmm. Risque. Sa peau. Risque, comme le jeu de société. Ouais, le jeu de société de marre. C'est ça, sa peau. C'est quand t'as un tatou de risque. Fait que risque sa peau. Ah! Parce que c'est courant quand même, des gens qui se font tatouer le. Ben, c'est pas, ça s'appelle pas des jeux de société pour rien, c'est parce que la société aime bien ça. Voilà. Ah, t'es tellement vite des fois. Incroyable. En fait, risquer sa peau, c'est risquer sa vie. Par exemple, tu peux te faire poursuivre pour t'être fait tatouer le logo. Oui, c'est une marque de commerce. C'est ça. En fait, oui, si autrefois on différenciait nettement la peau de l'animal, donc qui était pelis en latin. Pelis Navidad. Du, du, du, du, du. Oh, t'es en retard, là. Et celle de l'homme qui était cutis. Non, cutis Navidad. Non, ça va pas. Depuis la fin du 12e siècle, la peau désigne indifféremment les tissus vivants qui recouvrent le corps de l'une ou l'autre de ces deux catégories d'êtres vivants. Donc, on sait que la peau humaine a une valeur très variable selon qu'on évoque la peau des fesses, par exemple. C'est vrai. Mais dans notre expression, la valeur de la peau est plus qu'importante puisque c'est aussi depuis la fin du 12e siècle, au figuré, que le terme désigne également la vie, cette chose absolument essentielle pour être capable, entre autres... d'écouter cette chronique. Mm-hmm. Il y a aussi Apu dans Sapé ma petite lame, le gars du Quickie Mart, la Simpson. Apu, ouais. Apu. Ah, c'est Apu, excuse-moi. Oh, ouais. J'étais proche, hein, j'étais proche. Donc, risquer sa peau, c'est donc simplement prendre le risque de perdre sa vie, ce qui n'est pas forcément une bonne idée. Donc, cette acception du mot se retrouve d'ailleurs non seulement dans cette expression qui date du milieu du 17e siècle, mais également dans nombre d'autres locutions comme craindre pour sa peau, y laisser sa peau, tenir à sa peau, sauver sa peau, vendre cher sa peau, avoir la peau de quelqu'un. Donc, je pense que le synonyme est assez clair. Là. Peau, c'est égal vie. T'as les 12 apôtres aussi. Hein? Ouais, c'est ça. Ouais. C'était 12 vies. 12 vies. C'était l'ancêtre avant Jésus-Christ de... C'est ça, dans le fond, 30 vies, c'est un spin-off. C'est un dérivé. C'est ça. La Bible. C'est la suite. The Bible, la suite. Oui. Oui. Tomber sur un os. Tomber sur un os. Tomber sur un os, c'est quand tu vas aux machines distributrices de liqueurs et de boissons énergisantes. Colin, okay. Tu tombes sur un os, là. Tu sais, NOS, là, NOS. Boisson énergisante, ouais. C'est des boissons énergisantes NOS, mais je pense que c'est NO5, non, c'est ça. C'est une NOS. Non, non, ouais. Fait que t'es tombé sur un os au raisin, mettons. Ah, un os au raisin. Ouais, mettons. Pourquoi pas? Si ça existe, il y en a. En fait, tomber sur un os, c'est rencontrer une difficulté imprévue. Donc, t'as besoin de te mettre vraiment une boisson énergisante pour te remettre ton... Mais non, parce que c'est ça le problème. Ah. C'est le os. Ah. Donc, si tu regardes, lorsqu'un chien tombe sur un os, lui, il est tout heureux, hein, puis c'est totalement le contraire, car c'est un homme qui tombe sur un os. On est moins heureux, hein? Je sais pas pourquoi. C'est quoi la différence, hein? Je sais pas, on se coupe après la queue, hein? Donc, selon Gaston... Gastro? J'ai un peu mélangé son prénom et son nom de famille. Gaston Esno ou Eno, je ne sais pas comment ça se prononce, c'est français. Donc, cette expression apparaît en 1914. Et selon deux autres linguistes, Sellar et Ray, les seuls dans leur dictionnaire du français non conventionnel à donner une explication plausible sur l'origine de cette locution. Elle viendrait du milieu militaire. Donc, en effet, lors du service des rations de nourriture, les chanceux tombaient sur de véritables portions de viande, mais les autres, eux, ne recevaient qu'un misérable morceau d'os. Donc, la notion de difficulté viendrait alors du contraste entre la viande qui se mange facilement et lorsqu'on grignote très difficilement. Mm. Parlant de ça, j'ai fait les côtes levées du cuisinier paresseux cette semaine, pour vrai. En fin de semaine. Arrête. C'était écœurant. Ah. Tu serais même capable de les faire. C'était trop la terre. Aïe, aïe. Puis, tu sais, la viande, elle se défaisait ça. Ah, oui. Ah, miam. Donc, oui, mais si l'origine est bien là, le fait que l'expression se soit facilement diffusée hors des casernes, puis des tranchées, vient probablement du sens argotique du mot « os », popularisé dans d'autres locutions, à commencer par l'avoir dans l'os, où os désigne l'anus. Eh hey, ben, hey, justement, tu parlais de gastro tantôt. Non, j'ai parlé de Gaston. Non, je sais, mais gastro le robot, là. C'est-tu gastro le robot dans la publicité? Je peux remettre mon papier de toilette, mais pas vous. Non, gastro le robot, non. C'est une parodie d'Astro, le Astor le robot. Je pense. Ouais, c'est parce qu'il y avait Astro aussi, le petit robot, ouais, puis ça avait mélangé, même pas rapport. Non, je sais, ouais. Mais... T'as comme mélangé trois affaires. Ouais, ouais, mais je suis de même. T'es intense dans tes gags. Polyvalent. Ouais. Gastro le robot, c'est drôle. Non? Non? Non. Pas vrai, okay. Non. Ne pas valoir un pet de lapin. Ça, j'ai jamais entendu ça de ma vie. J'ai jamais entendu ça de ma vie, mais je trouve ça bien de savoir. Ben ça oui. Veut dire quoi si jamais tu croises un Français puis qu'il dit ça? Un pet de ça lapin. Ça vaut quoi un pet de lapin? Ben ça, c'est clairement quand Gastro le robot a pris son liquigel de Imodium. Non, là, on parle, c'est pas gastro le robot, ben, c'est le lapin énergiseur. Ah, ben c'est le, ça. Le robot, lapin énergiseur, c'est pas gastro. Ben c'est gastro a un problème, puis il règle, mais le lapin, lui, Colin, il a pas le même problème. Lui, il a le problème qui fait des petites crottes de lapin. Rose. Grosse. Il est rose, le lapin. Le lapin énergiseur est rose, t'as raison. Tu vas faire des crottes roses, c'est logique. Ben, c'est logique, c'est ça, parce que dépendant de ta race, tu changes la couleur de ton caca. C'est connu. Voilà. C'est connu. Hey boy. Donc... Michael Jackson faisait des caca gris. Ouais. Donc, ne pas valoir un pet de lapin, c'est n'avoir aucune valeur. Okay. Donc, pour que le pet de lapin ait une valeur quelconque, encore faudrait-il qu'il soit commercialisable. Donc, on pourrait donc considérer comme point de départ que le pet de lapin ne vaut rien. On part de là. De là, en guise d'hyperbole, il est aisé de dire qu'une chose considérée comme étant sans aucune valeur vaut encore moins qu'un pet de lapin. Donc, on pourrait s'arrêter là pour justifier l'existence de l'expression, mais il y a quand même une question qu'on peut légitimement se poser. Pourquoi de lapin et pas de le pet de tout autre animal? Ouais. Mais il semble malheureusement que les raisons du choix de cet animal, dont le pet n'a en réalité pas plus de valeur que celui d'un autre bestiau, restera un mystère à jamais, malgré la jeunesse de la locution qui ne date que de la fin du 19e siècle. Donc, c'est quand même récent. Cependant, n'oubliera pas que d'autres animaux ont préalablement servi dans des expressions similaires, puisque à la fin du 18e siècle, c'était le pet de coucou qui ne valait rien. C'est bizarre, hein? Pet de coucou. Ouais. Donc, en fait, l'animal ajouté à la suite du pet doit pouvoir être librement choisi par chacun, puisque certains auteurs se sont même abstenus de le citer. Par exemple, Zola qui dit simplement « Tout ça ne vaut pas un pet. » Donc, c'est un classe. Pet random. Oui, au hasard. Voilà. Ensuite, faire une croix sur quelque chose. Faire une croix sur quelque chose. Ouais. Une croix sur, en fait, c'est quand tu croises deux affaires ensemble. Donc, je pense que c'est un combat d'épée, faire une croix sur. Croise les fers. OK. En fait, faire une croix sur quelque chose, c'est renoncer définitivement à quelque chose. Donc, faire une croix sur quelque chose ou quelqu'un aussi, c'est renoncer à cette chose comme quand on fait une croix sur les charcuteries hein, à cause du cholestérol, peut-être. Ben oui. Croix santé, comme ils disent. Choix santé. Ouais, c'est ça. Ouais. Croix santé. C'est tu crois santé, tu manges la merde. Tu manges des cochonneries. Donc, cette expression, dans sa forme actuelle, nous vient du milieu du 19e siècle. Mais au début du même siècle, il faut y faire une croix, se disait d'une dette qu'il fallait effacer. Plus avant encore, au 16e siècle, faire la croix ou le signe de croix sur le dos à quelque chose voulait dire y renoncer, alors que la même chose sur le dos à quelqu'un, c'était le quitter. Donc, si l'expression fait donc bien référence au signe de croix chrétien, Comme on pouvait le supposer, l'idée véhiculée par cette croix sur le dos était celle d'une séparation définitive et solennelle. Ah ben. Donc, sur le dos à quelqu'un. Mmh. C'est un peu bizarre comme phrase, mais voilà. Ensuite, ça va barder. Ben ça, c'est le slogan des toitures, des compagnies de toiture de Bardot. Non, ça va barder. C'est juste ça. C'est marqué sur leur camion, ça va barder. Tous les camions confondus. Bon. Toutes les compagnies. Ils collaborent ensemble, ils sont bien amis, puis les toitures. Ben oui. C'est ça. Ben oui. Ouais. Puis on sait tous qui a parti cette association. Non, je sais pas. Ouais. C'est qui? Voyons. Quoi? Brigitte Bardot. Ah, Brigitte Bardot! Ça, c'est évident. Hey, oh! C'est tellement facile. Hey, oh! Donc, ça va barder? Oui, oui. S'emploie lorsque s'annonce une dispute imminente entre des personnes ou lorsque quelqu'un... ou non. Ou lorsque quelque chose prend une tournure violente. Donc, barder est un verbe argotique qui nous vient du milieu militaire depuis la fin du 19e siècle, où il signifiait être astreint à un travail pénible. Donc, il ne semble pas y avoir d'explication claire sur l'évolution de ce sens vers celui d'aujourd'hui, pas plus qu'il n'y a de certitude sur l'origine de ce verbe dans son acception initiale. Donc, il est régulièrement rattaché au mot « bar », B-A-R-D, qui désignait soit une sorte de civière, soit un chariot bas, les deux destinés à transporter des charges. Donc, barder voulait alors dire « charger », avec une connotation de « pénibilité » qu'on retrouve dans le verbe argotique militaire, donc quelque chose de pénible. Mais certains évoquent aussi la barde, qui était autrefois une armure faite de lames de fer, qui existait aussi bien pour le cavalier que pour le cheval. Or, porter cette lourde armure était quelque chose de très pénible. Eh ben, mais c'est, ouais. Aussi, c'est aussi ce que tu dis quand on vient à la gastro de tantôt, mais t'as aussi le rhume en même temps. Ah, ça barde partout. Je me suis barde partout. Mange de la merde. Eh ben. C'est drôle. Merci. Celle-là, tu peux la noter. C'est bon? Ouais, peux-tu c'est... aussi écouter ce que tu vas dire pour pouvoir avoir quelque chose à dire? Dire ses quatre vérités à quelqu'un. Ça va barder. Comment? Dire ses quatre vérités à quelqu'un. Quoi? Il va y avoir une version américaine des détecteurs de mensonges. Ah. À bientôt, là, ça s'en vient, là. C'est acheté au Québec, là? Je sais pas, mais ça s'appelle Lie Detectors. Fait que j'imagine que c'est un format qui a été, j'imagine, acheté. Je sais pas si nous, c'était notre invention, j'ai aucune idée. Probablement. Faudrait que je me renseigne, mais quand même, ça m'a impressionné de voir ça comme en retard, much, genre, sur le quiz, là, il me semble. Pourquoi pas? Ouais, pourquoi mais pas? Les autres, c'est une nouveauté, fait qu'ils sont c'est pas ça. En retard. Exactement. Voilà. Fait que c'était quoi la phrase, là? Dire ses quatre vérités ben, à ça. Quelqu'un. C'était Patrice Lécuyer. Là, OK. Ça. Ouais, ouais. En fait, c'est trois vérités. Non, deux vérités et un mensonge. C'est ça. Dire à quelqu'un ce qu'on pense de lui, franchement et parfois brutalement. Comme quand c'est Marc-André Coallier qui a commencé à animer cette émission-là, puis tout le monde a fait comme on veut pas de toi, tu sais. Hein? À TQS, genre, il a fait les détecteurs de mensonges avec Marc-André Coallier. Pas mal sûr de ce que j'avance, mais. Parce que c'était à Radio-Can. Ouais, c'est ça, mais il y avait eu un remake, genre. Ouais. Ah, ouais. Ah, ouais, ouais. Ou aussi dire à quelqu'un des choses désobligeantes ou blessantes sans ménagement. Donc, au 16e siècle, lorsque cette expression apparaît, d'abord sous la forme « dire ses vérités », tout simplement, les vérités sont des choses vraies. Ainsi, lorsqu'une personne disait ses vérités à quelqu'un, elle lui disait des choses vraies ou justifiées sur lui, principalement négatives, sans hypocrisie, qu'il ait envie ou pas de les entendre. Et cela n'a pas vraiment changé depuis. Mais à savoir pourquoi on a greffé le chiffre 4 dans l'expression. Mmh. Donc, selon les lexicographes, malgré la faible valeur de ce nombre, il faut le voir comme un intensif, mais sans qu'on ait une explication réelle sur le choix de ce nombre au lieu de 7 ou 1000, n'importe quoi. Donc, on peut toutefois noter que ce chiffre 4 est utilisé dans de nombreuses autres expressions. Par exemple, couper les cheveux en 4, faire ses 4 volontés, se mettre en 4, ne pas y aller par 4 chemins. Donc, ce choix est probablement lié à des choses immuables comme les quatre membres de l'homme, les quatre saisons, les quatre points cardinaux. Par quatre villes, non, c'est... Par quatre villes, par quatre ouais, villes, c'est ouais. Ça, faut pas y aller par quatre chemins. Parce que tu veux pas revenir en ville, ouais. Voilà. Ensuite... Hey, non, attends, quoi aller? Et on vient après la pause! Pas de censure, c'est 10h le soir. J'ai simulé un orgasme. Simuler un orgasme, c'est ce que c'est arrivé fréquemment. Et le son des cœurs. Sur une banquette arrière d'un autobus. Non, mais c'était en quelle année? En 94? Le chemin, là, c'était quoi? Ouais, les années 90 en général. Et j'ai fait l'amour avec Anne Dorval. Guy Lepage, bien sûr. Bruno Landry. Les confidences de fin de soirée à 22h, juste avant l'oreiller, au détecteur de mensonges à TQS. Yeah. Et là, évidemment, t'as Marc-André Coallier et t'as le nez qui lui pousse comme Pinocchio dans la pub. C'est beau, beau, beau, beau, beau. T'es cœurant. Et puis, il y a tellement personne qui associe cette émission-là à lui. Non, vraiment pas. Incroyable. Étrange, hein? Ça veut dire c'est parce qu'il était vraiment mauvais ou parce que c'était racheté par une autre chaîne puis il pouvait pas avoir le même animateur, peut-être? Je ouais, probablement, ou peut-être que l'autre n'était pas disponible ou avait pas envie de le faire, mais c'était à 22h. C'est pas un quiz que tu associes à une fin de soirée. Ben, parce que probablement qu'il allait vraiment avec des trucs osés. Oui, c'est ça, exactement. Je pense que c'était plus ça le but premier. C'est pas une mauvaise idée en tant que telle. Ça pourrait même marcher. Un peu comme Atome Crochu aux États-Unis, c'était parfois assez osé. Je sais pas si ça l'est pas mal au Québec, je l'écoute pas tant que ça. Ben, c'est plus sous-entendu, mais même les détecteurs de mensonges, je te dirais que j'en ai entendu des vertes et des pommures, ouais. Là, même sur l'heure du souper. Contrairement là. À l'émission des vertes et des pommures avec, c'était qui, Sébastien Benoît, c'est ça? Ah, en tout cas. C'est vraiment important. Hey, on est de retour. France Castel. Je sais pas. On est de retour à sa plus simple expression après cette pause. De toute façon, on a le temps, il m'en reste juste un. Ok, on peut parler de France Castel. Yeah! S'endormir, se reposer sur ses lauriers. Sur C. Laurier, c'est évidemment Céline Laurier, on peut s'en... qui a ouvert un magasin d'oreillers. Céline Laurier, oreiller. C'est nouveau. C'est sur des buvards des forges. À côté de Dormez-vous. C'est ça, Dormez-vous, puis t'as C. Laurier présente sur l'oreiller. Oh, ce serait un parfait talk show à TQS. C'est dans le temps qu'il y avait des talk shows de sexe là, avec. C'est qui? C'est pas France Castel, c'était l'autre qui est pareil, là. L'autre qui est pareil. L'autre qui est pareil que j'ai mélangé tous les deux, là, France Castel puis l'autre. Ah, je me rappelle plus. Que t'es mélange. Ouais, c'est ça. En tout cas, continue ta chronique, je vais essayer de trouver ça. Ouais, c'est ça. En tout cas, moi. Ouais. Jeannette Bertrand. Non. Non, non, non. Ben, elle fait quand même l'amour avec un grand A. Sexe et confidence, je pense. Confidence. Sexe et confidence. Je sais que les auditeurs sont tout le temps en train de crier après ouais, la mais radio. Elle s'appelait pas Louise, là. C'est pas Louise-André Saunier. Louise-André Saunier. Ouais, c'est ça. C'est ça, exactement. Ouais, ouais. Oh, ouais, ça passait à une heure l'après-midi. C'est ça. Fait qu'à la place, t'aurais sur l'oreiller avec C. Laurier. Laurier. Ce serait parfait, comme nom. Ah, c'est toujours pas bon. Ben oui. Arrête. Donc, oui, s'endormir, se reposer sur ses lauriers, c'est se contenter d'un premier succès. En fait, au Québec, on a plus s'asseoir sur ses lauriers. Ah. On n'a pas cette option-là, mais ça vient clairement de la même chose. S'asseoir que ça se passe, moi. Mon Dieu, on dirait un nouveau show à Éric Salvaille. S'asseoir, ça se passe. S'asseoir, ça se passe avec Éric Salvaille. Hey, on est bon pour le marketing de V, nous autres. En plus, le pire dans ça, c'est que tout ça a l'air vrai. Ça pourrait facilement être des vraies émissions à Christ, V. Oui. Vraiment. Donc, le laurier est un arbuste aromatique de la région méditerranéenne. Si ses feuilles servent à parfumer des plats, ses rameaux servaient à tresser des couronnes destinées aux poètes, aux héros et aux vainqueurs. Donc, on voit tous Jules César hein, avec sa couronne de laurier. Donc, cela vient du fait que dans la Grèce antique, cet arbuste était dédié à Apollon. Il représentait l'immortalité acquise par la victoire, mais aussi les qualités nécessaires à cette victoire, la sagesse et l'héroïsme. Donc, s'endormir ou se reposer sur ses lauriers, c'est donc où figurer, se contenter de ses premiers succès et de la couronne de laurier qui va implicitement avec, et arrêter là sans les efforts pour essayer d'en glaner de nouveau. Donc, si cette expression existe avec ce sens depuis le milieu du 19e siècle, au 17e, on disait se reposer à l'ombre de ses lauriers pour dire jouir d'un repos mérité avec un succès, ce qui n'avait pas la même connotation négative ou restrictive que notre locution aujourd'hui. Donc, ça a pris une petite connotation négative avec le temps. Ah ben. Voilà. On apprend-tu des choses? Et c'est tout. Dans les détecteurs de mensonges. Merci Stéphanie. Hey, c'était bon ça. C'est la plus simple expression, on fait ça les lundis à 9h. N'ayez pas peur, ça fera pas mal. Voici l'arbitre des arracheurs de dents, Patrice Lécuyer. Je comprends même pas à dos. Bravo, je ne me l'en plus, est-ce qu'on la recule? Pas mal, voici... Attends un peu. N'ayez pas peur, ça fera pas mal. Voici l'arbitre des arracheurs de dents, Patrice Lécuyer. Moi, je pense qu'il voulait faire une phrase à chaque épisode, puis qu'il manquait de thématique, fait qu'il ouvrait un dictionnaire, il cherchait un mot, dentiste. Non, moi, ça a tout le temps rapport. Ça a tout le temps rapport. Puis personne m'applaudit. Moi. Ben oui, mais on t'applaudit dans notre foyer. Ben merci, Caroline. T'es fine. Voilà, c'est tout pour Assemblage Rocky pour aujourd'hui. Nous serons de retour demain entre 6h30 et 9h30, toujours en direct à partir de 7h30. Demain, à l'émission, mardi, bien sûr. Mardi. Quelle journée extraordinaire à chaque semaine, les mardis. Surtout demain. Surtout demain, parce qu'on va avoir Gabriel Béhoud de la Luitre à 8h. On va aussi avoir la suite de nos entrevues pour les élections de la GQTR à 8h30. Et on va faire Master Steph une grosse pointe à l'adresse. Donc, probablement qu'on est rendu à une grosse pointe à l'adresse demain. Soyez-y entre 6h30 et 9h30. Restez sur nos ondes à 11h. C'est Dîner de con avec Danny Janvier à 13h. L'émission de voyage jusqu'à là à 17h. Radar Jeunesse, 18h. Palmarès du Monde, 19h. Voyage de Salut et 20h. Rock de Neurone avec du rock progressif. Sif.ca pour la programmation complète. Assemblagerequis.com pour les notes de l'émission et les balado-diffusions. On s'habitue à voir demain? C'est à Saint-Patrick! C'est vrai, l'or au bout de l'arc-en-ciel. On remercie Olivier Lessard et les gens de l'OGE avec Lisanne Marseille pour les accompagner. Merci à toi, Steph. Toi, Mathieu Flamme. À demain! Bye!